Donc ça a permis aux stagiaires de voir ce que c'était Twitter, quels usages on pouvait en avoir au niveau de la diffusion de l'information et de la veille. Merci. Alors, on passe à Stéphane. Pour ma part, bon, je vais revenir un peu, comme tout le monde, à la pratique d'une veille fréquente. Je me sers de Twitter beaucoup pour ça. Juste me permettre de rappeler que Stéphane, tu n'es pas professeur documentaliste, non, car aujourd'hui, non, il y a beaucoup de professeurs documentalistes autour de la table. La veille n'est pas réservée aux professeurs documentalistes. Heureusement. Et pour ma part, je pense même que tout enseignant devrait mener une veille. Enfin, après, quel que soit le domaine, mais tout enseignant devrait. Tu es très applaudi autour de la table. Et sur ses pratiques et sur, on va dire, sa matière en général. Au-delà de ça, je m'en sers beaucoup pour des échanges de pratiques, c'est-à-dire je suis beaucoup de collègues d'histoire-géographie, donc pour voir tout simplement comment ils traitent telle partie du programme, d'autant que les collègues présents sur Twitter que je suis ou qui me suivent sont des gens qui ont des pratiques plutôt innovantes, donc c'est très intéressant d'avoir ces aspects-là. Je m'en sers aussi beaucoup pour, on va dire, des échanges un peu plus techniques, c'est-à-dire que pour mes cours, personnellement, je produis beaucoup d'animations multimédia, etc., pour des travaux en autonomie. Et donc, fréquemment, je demande à mes collègues de tester. C'est-à-dire que je mets mes fichiers en cours de préparation en ligne. Sur Twitter, j'envoie un message. Et ça me permet d'avoir très rapidement un retour. Et du coup, de modifier mes fichiers. On ne peut pas penser à tout. Et penser à plusieurs, c'est toujours plus efficace. Je m'en sers aussi, enfin je m'en suis servi beaucoup en ce moment, c'est un peu le creux, pour suivre différents événements pédagogiques ou techno-pédagogiques, entre guillemets, auxquels je ne souhaite pas assister, parce que ce sont des événements qui pour moi sont un peu trop commerciaux, mais auxquels des gens, on va dire, des gens très, très investis et qui tentent des pratiques innovantes, participent, et du coup j'ai uniquement l'avis de ces gens-là, c'est le seul avis qui m'intéresse, ça me permet de zapper la partie commerciale qui ne m'intéresse pas, on va dire. Alors, concrètement, vous faites Ces salons en général sont accompagnés de live tweets. Donc comme aujourd'hui. Comme aujourd'hui avec Marie-Astrid. Le table ronde 76, voilà. Et du coup je suis ces salons, je participe. Quand je suis vraiment intéressé. Donc on va peut-être juste expliquer, qui veut bien expliquer donc le live tweet pour les personnes qui ne connaîtraient pas bien Twitter. Le live tweet, c'est le fait qu'un participant à un événement en présentiel, comme on peut dire, tweet cet événement, c'est-à-dire qu'au maximum, raconte ce qui se passe sur place. Voilà, donc aujourd'hui, c'est Nadia qui le fait.